mesdames, messieurs, excusez-moi. Vraiment, je suis toute une moi. Car devant vous ce soir, j'y vais chanter une chanson en français. Pour prononcer les paroles, je le dis en vérité. Comme je suis espagnol, j'ai de la difficulté. Est-ce que je saurais m'y prendre pour bien me faire comprendre? Je n'en sais pas. Dans cette chanson française, serais-je bien mon aise? Je n'en sais pas. Si les mots que je déforme vous semblent un peu énormes, pardonnez mon embarras, je n'en sais pas. Pour vous chanter cette chanson, à Berlin j'ai appris des leçons, et même j'ai appris à dire une phrase qui fait toujours plaisir. Vous la connaissez, j'espère. Say yo t'amo en Italie, I love you en anglais, yo te quiero a mon pays. En français je l'ai apprise, mais quand il faut que je le dise, je n'ose pas. Oh, non soyez pas trop sévère, car pour vous c'est très sincère, et c'est pour cela. Je désire quand même vous dire à tous je vous aime. Et ce que l'on dit comme cela, dites-le-moi.